Amis humains, bonjour. Voici une série d'émissions sur l'histoire de la robotique, telle que nous souhaitons l'aborder, se décline selon deux axes, son aspect philosophique, traité par les indices de la mythologie et de la littérature, et ses différents aspects technologiques, décrits depuis les automates jusqu'au domaine de la vie artificielle puis à ce que nous appellerons la biologie artificielle. N'est-il pas étonnant que la science, avec son énorme flot quotidien de publications, tienne aussi peu de place dans les médias, en particulier les journaux télévisés? Nous souhaitons également promouvoir la créativité en science. La robotique a un aspect ludique et artistique qui peut se révéler le moteur d'un changement d'attitude, tant au niveau de la création qu'à celui de l'acceptation par le public de progrès qui nous mèneront très progressivement mais sûrement en direction d'une robotique humaniste, au service de l'humanité. Suite numéro 20. Histoire de la robotique. Art et jeu. Les ébauches actuelles sont le résultat de 6 années de recherche. Le projet commence en 1993, sous l'impulsion de Toshiba. L'idée de départ était de concevoir un robot ludique et non pas un robot utilitaire comme ceux qui existaient. C'était vraiment innovant pour l'époque. Le succès des Tamagotchi, par exemple, n'a commencé qu'en 1995. Le choix de la locomotion quadrupède était un véritable challenge technique. Mais Toshiba pensait qu'un robot qui marche à quatre pattes serait beaucoup plus naturel pour nous qu'un robot hexapode ou sur roues. Quand j'ai vu les premiers prototypes, j'ai été vite convaincu qu'il avait raison. La façon dont le robot bougeait est fondamentale sur la manière dont nous le percevons. Aujourd'hui, nous voyons apparaître les premiers robots bipèdes. La prochaine étape sera l'arrivée de robots qui courent ou qui sautent. Sa commercialisation marque une étape importante dans le domaine de la robotique. Le succès commercial qu'il représente au Japon, et peut-être bientôt en Europe, démontre la possibilité d'un objet d'un type nouveau, un robot qui n'est pas là pour nous rendre des services, mais simplement pour nous divertir, nous tenir compagnie et peut-être partager des expériences avec nous. Les ordinateurs sont arrivés dans nos maisons d'abord grâce aux jeux, très modestes au départ, qu'ils proposaient. Ce sera peut-être la même chose avec les robots. D'abord simplement ludiques, nous leur trouverons peut-être une utilité que nous ne soupçonnons pas encore. Les nouveaux insectes robots, développés par Hasbro, ont été présentés à l'occasion de la foire du jeu de Hong Kong. Le premier jouet intégrant un système nerveux avancé. La créature s'appelle BioBug, Biomechanical Integrated Organism. L'insecte peut aller et venir comme bon lui semble, reconnaître des amis ou des éléments hostiles, éviter les obstacles. Il réagit exactement comme le ferait un véritable insecte, c'est-à-dire de façon imprévisible. Vous pouvez cependant commander à votre insecte de vous suivre comme un petit chien grâce à un transmetteur spécial. Il existe 4 espèces d'insectes robots, identifiables par 4 couleurs distinctes qui symbolisent les caractéristiques propres à chaque espèce. Les insectes robots sont lâchés dans la nature à partir de septembre 2001. Et pour clore ce panorama très incomplet, il faut mentionner les robots sexuels, descendants des antiques poupées gonflables. À l'image des simples poupées qui pleurent des années 1961 à 1970 qui sont devenues de vrais robots comme le Fia Aibo, les poupées à usage sexuel se perfectionnent également. Certaines firmes proposent des poupées qui sont des répliques d'actrices réelles, avec tout un tas de fonctions interactives au niveau des orifices. Fin de cette 20e partie. À bientôt. Grosse bise numérique.